France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le parcours de la militante écologiste Greta Thunberg. À la fin de l'été 2018, cette collégienne suédoise de 15 ans s'assoit devant le Parlement à Stockholm avec sa pancarte et sa gourde dans l'espoir d'attirer l'attention de son pays sur les enjeux du réchauffement climatique. Impossible alors de se douter que cette grève de l'école va inspirer des millions de personnes dans le monde et faire d'elle une icône de la lutte pour le climat. Une icône, oui, mais pour certains, un repoussoir. Car Greta Thunberg agace du haut de ses 15 ans. Surtout des adultes, dont certains la disent manipulée, naïve, inexpérimentée, extrémiste, mal élevée, simplette, arriviste, folle, dangereuse. Et le mépris prend parfois des formes si violentes, si proches de la haine, qu'il invite à s'interroger. Pourquoi Greta Thunberg polarise-t-elle autant l'opinion quand elle ne fait en fait que relayer des vérités scientifiques indiscutables? Greta Thunberg, la jeune fille que certains adorent détester. Nos invités aujourd'hui, Yamina Saeb, docteur en énergétique, économiste et enseignante à Sciences Po Paris, et Alizée Le Fur, militante écologiste au sein du mouvement Dernière Rénovation. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jeanne Maillard, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Charles de Silia. août 2018, Stockholm. Le temps est clément dans la capitale suédoise. 23 degrés, ciel dégagé. Les Suédois profitent de la fin de l'été. Après un mois de juillet caniculaire et des feux de forêt monumentaux, le réchauffement climatique frappe aussi la Scandinavie. Une adolescente sort à vélo de chez elle ce matin-là. C'est la rentrée des classes en Suède. Mais la collégienne s'arrête sur la place du Riksdag, le Parlement suédois. Elle pose devant elle une pancarte qu'elle a fabriquée elle-même avec ces mots « grève scolaire pour le climat » ainsi que des prospectus où elle a réuni des données sur le réchauffement climatique. Son objectif est simple, attirer l'attention sur cette question avant les élections parlementaires qui doivent se tenir au mois de septembre. Mais la foule qui part travailler ce matin-là n'est pas très réceptive. On jette sur la jeune fille des coups d'œil gênés ou des sourires compatissants. Personne ne connaît encore son nom, Greta Thunberg. Deux femmes s'arrêtent finalement pour lui conseiller de retourner à l'école. Il faut dire qu'avec ses tresses et son air poupon, Greta Thunberg, 15 ans, ressemble plus à une enfant qu'à une adolescente. Elle n'hésite pas pourtant à demander à un passant de la photographier avant de publier la photo sur les réseaux sociaux. Elle a 20 followers sur Instagram, à peine plus sur Twitter. La journée se passe calmement, rythmée par les quelques questions des passants, la visite de deux militants de Greenpeace prévenus par la famille Greta via une chaîne de mail et deux interviews données à des journalistes locaux. Bien. Mais le lendemain de ce premier jour de grève de l'école, surprise, la machine à like s'enclenche. En moins de 24 heures, les contenus que Greta Thunberg a publiés sur les réseaux sociaux ont été vus et partagés des dizaines de milliers de fois. C'est à Stockholm que naît Greta Thunberg le 3 janvier 2003. Sa mère, Malena Ernman, est chanteuse d'opéra. Et son père, Svante Thunberg, a été acteur avant de dédier tout son temps à ses filles, Greta et Beata. Des parents artistes, riches et aimants, qui voyagent beaucoup avec leurs enfants et offrent tout ce dont elles pourraient rêver. Pourtant, quelque chose ne va pas. À 11 ans, Greta, qui a toujours été une petite fille solitaire et angoissée, cesse brutalement de s'alimenter. Premier diagnostic, anorexie. Et rapidement, d'autres s'ajoutent. Dépression, mutisme sélectif, troubles obsessionnels compulsifs et finalement syndrome d'Asperger. Alors qu'elle entre en sixième, Greta apprend qu'elle est autiste. La jeune fille n'a aucun retard intellectuel, au contraire. Mais hors de sa famille et à l'école surtout, elle ne sait pas comment entrer en contact avec les autres. Elle est sujette à l'anxiété, aux obsessions. De ses 11 à 14 ans, elle ne parle quasiment plus. Jusqu'à ce que les fils commencent à se démêler. Elle raconte comment, à la télévision anglaise. La première fois que j'ai entendu parler de changement climatique, c'était à l'école. Mon professeur m'a expliqué que c'était causé par les humains. On nous a montré des photos et des vidéos. Et je me suis dit que c'était vraiment inquiétant. J'ai trouvé ça très étrange qu'il y ait une telle menace pour notre existence et pour notre civilisation et que ce ne soit pas notre priorité, qu'on n'en parle pas tant que ça. J'ai commencé à m'y intéresser, à lire des livres, des articles, à regarder des films. Plus je lisais, plus je comprenais. Et une fois qu'on a compris la signification de la crise climatique, on ne peut plus faire marche arrière. On doit faire quelque chose. Les personnes touchées par le syndrome d'Asperger développent souvent des centres d'intérêt de manière très intense. Cela peut être les pharaons, les ordinateurs. Dans le cas de Greta Thunberg, ce sera l'écologie. Empreinte carbone, gaz à effet de serre, extinction de masse, justice climatique. Pour comprendre, la jeune fille lit les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat que l'ONU a créé en 1988. Elle suit la négociation en 2015 de l'accord de Paris, dont l'objectif est de maintenir l'augmentation de la température moyenne en dessous de 2 degrés. Elle échange avec ses parents également et, ensemble, ils prennent conscience de la nécessité de changer leur mode de vie. La famille devient végane, achète une voiture électrique et des panneaux solaires. Mais pour Greta, les petits gestes du quotidien, ce n'est pas assez quand le réchauffement climatique menace aussi bien, selon les mots du GIEC, la sécurité alimentaire, la santé, la biodiversité, la croissance économique, aussi bien que la réduction de la pauvreté. Elle veut, elle doit résoudre cette contradiction. Alors, pourquoi ne pas agir ? Pourquoi ne pas tous et toutes agir ? Greta Thunberg tente d'abord d'intégrer un groupe de jeunes militants et militantes écologistes. Mais la jeune fille n'est pas très à l'aise avec ces inconnus qui ne savent rien de l'autisme. Alors, elle décide d'agir seule. C'est décidé, elle fera la grève à l'école. Ses parents se laissent convaincre, comme l'explique son père devant la caméra du réalisateur Nathan Grossman pour le documentaire « I am Greta ». J'ai d'abord dit que je ne la soutiendrais pas. Et elle a collecté une longue liste de faits qu'elle a ensuite distribués aux gens. Elle connaît mieux la question du climat que, je dirais, 97% des politiciens dans le monde. Elle a une mémoire photographique extraordinaire. Quand un sujet l'intéresse, elle peut quasiment mémoriser tout ce qu'elle a lu dans un livre. Je n'attends rien de tout ça, je veux juste qu'elle soit heureuse. Et je suis sûr qu'elle n'attend rien non plus. Elle ressentait juste le besoin de faire quelque chose et de le faire sans nous. Le 20 août 2018, Greta Thunberg met donc son projet à exécution avec le soutien de ses parents et de ses professeurs, à qui elle a promis de rattraper les cours manqués. Et c'est là qu'elle s'assoit devant le Parlement suédois, à Stockholm, pour faire la grève de l'école et dénoncer la crise climatique. Et l'engouement n'est pas seulement virtuel. Dès le lendemain, en effet, le 21 août 2018, d'autres collégiens, lycéens et étudiants la rejoignent sur la place du Riksdag, bientôt suivis par de nombreux journalistes. Les parents de Greta sont médusés. Leur fille, qui ne parle plus ou si peu depuis des années, s'exprime sans problème ni gêne devant les médias du monde entier. Des jeunes aux États-Unis ont fait la grève de l'école après une fusillade en Floride. Et quelqu'un que je connaissais a dit « Et si les jeunes faisaient la même chose, mais pour le climat ?» Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée et que ça pourrait faire la différence. Et j'ai essayé de faire venir d'autres jeunes avec moi, mais personne n'était intéressé et j'ai commencé toute seule. Le deuxième jour, des gens ont commencé à me rejoindre. Parmi les curieux qui viennent saluer Greta Thunberg au premier temps de la grève, il y a Ingmar Reinsholg, conseiller en finance, fondateur d'un média social écolo et professionnel de relations publiques. Greta Thunberg ne le connaît pas, mais l'homme sait y faire. C'est la vidéo qu'il a postée sur Facebook qui a attiré l'attention des médias. Il faut dire aussi que cette grève de l'école coïncide, à quelques semaines près, avec la sortie du livre de Malena Ernman et Svante Thunberg, « Les parents de Greta ». une autobiographie à quatre mains dans laquelle il parle autisme et prise de conscience écologique. Mais ce hasard de calendrier interroge certains observateurs. Greta, égérie marketing à la solde de ses parents et de lobbyistes du capitalisme vert, les preuves n'existent pas, mais la rumeur commence à se propager. Lors des élections suédoises de septembre 2018, les députés verts n'obtiennent que 3,5% des voix. Accompagnée des grévistes qui l'ont rejointe, Greta Thunberg décide alors de continuer à manifester chaque vendredi pour demander au gouvernement suédois de tout faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sur Twitter, elle lance le hashtag Fridays for Future. Des célébrités internationales comme Arnold Schwarzenegger achèvent de faire connaître son mouvement naissant dans le monde entier. À sa manière, l'adolescente se fait influenceuse. My name is Greta Thunberg. Mon nom est Greta Thunberg. J'ai 15 ans et je suis suédoise. Many people say that la plupart des gens pensent que la Suède est un trop petit pays pour avoir une action digne d'être prise en compte. Au contraire, nous avons la conviction que nul n'est si petit qu'il ne puisse faire bouger les choses. Preuve en est que quelques enfants ont pu faire la une des journaux autour du monde rien qu'en arrêtant d'aller à l'école. Alors imaginez ce que ça ferait si tout le monde s'y mettait, et si on se mettait à vraiment le vouloir. Vous ne parlez que de croissance économique verte parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous n'êtes pas assez adulte pour dire les choses telles qu'elles sont. Pour constater ce fardeau que vous nous laissez à nous, les enfants. Je ne me soucie pas d'être impopulaire. Ce qui m'importe, c'est la justice climatique et une planète vivable. Greta serait-elle plus adulte qu'eux ? Car ce discours, c'est celui qu'elle tient à la 24e conférence mondiale sur le climat, la COP24, le 14 décembre 2018. La militante de 15 ans a voyagé en voiture électrique avec son père pendant 2 jours jusqu'à Katowice, en Pologne. Elle y découvre le monde des COP, celui de la diplomatie. La jeune fille écrit seule son discours, sourde aux conseils de son père, qui lui suggère d'éviter des termes qui pourraient effrayer comme « extinction de masse ». Mais Greta s'en fiche d'effrayer. Elle veut juste dire aux adultes ce qu'elle pense. Et le syndrome d'Asperger, elle l'explique elle-même. C'est ce qui fait sa force, justement. Elle s'exprime comme ça dans la vie, sans embâge, sans fioriture. Dans le public, beaucoup sourit, un peu amusé, un peu gêné aussi, pas encore vraiment agacé. Il n'y a pourtant pas de quoi rire, puisque la COP24, répétons-le, et rappelons-le, n'aboutira à rien. Pour Greta Thunberg, en revanche, cette première conférence est un succès. Non seulement son discours a été relayé par les médias, mais l'appel à une grève internationale de l'école qu'elle a lancée à l'occasion de la COP est entendu. À la fin de l'année 2018, des milliers d'étudiants manifestent chaque vendredi un peu partout dans le monde pour demander à leur gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que le prévoit l'accord de Paris. Important. Mais tout simplement, c'est comme ça que je suis plus futur. En Australie, par exemple, la grève menée par deux collégiennes, Harriet Oshiker et Milou Albrecht, est suivie par 15 000 élèves. Ce qui leur vaut d'être réprimandés par le Premier ministre Scott Morrison devant le Parlement australien. Il y a aussi Hilda Flavia Nakabouye en Ouganda, Howe ou Kira Gantois, Hanouna de Weber et Adelaide Charlier en Belgique. Les trois jeunes femmes sont à l'origine de la création de Youth for Climate, un mouvement de jeunes Belges et Français qui se reconnaissent dans le combat de Greta Thunberg. Le 21 février 2019, plusieurs milliers de jeunes manifestants et manifestantes défilent dans les rues de Paris pour réclamer une vraie politique de décroissance énergétique. Parmi eux, Greta Thunberg, bien sûr, et ses homologues belges. En fin de journée, les quatre militantes sont reçues par Emmanuel Macron à l'Élysée. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu vois la situation et sur quel sujet tu voudrais te concentrer. Je pense que de plus en plus de gens prennent conscience de ce qui se passe et que vous avez l'opportunité d'agir et de devenir une figure. Je pense aussi qu'il est important que les pays riches montrent l'exemple et qu'ils agissent davantage parce que les pays les plus pauvres doivent avoir l'occasion d'améliorer leur niveau de vie. Have a chance to heighten their standard of living. Comment tu te débrouilles avec l'école? Oui, l'école m'aide beaucoup, elle me soutient. Je rattrape les cours à la maison. Je travaille dur. Et tu lis beaucoup sur le climat? Oui, je lis beaucoup. Je suis une nerd. À l'hiver 2019, Greta Thunberg entreprend une tournée des mouvements de jeunesse écolo en Europe. Elle répond également aux invitations officielles qui lui sont faites, comme celle du Comité économique et social européen à Bruxelles. Ce ne seront pas les jeunes qui sauveront la planète, parce qu'il n'y a plus le temps d'attendre que nous soyons, nous, aux commandes, prévient-elle devant Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Son discours est applaudi, mais la militante sort dépitée de cette rencontre. Non, elle ne comprend pas pourquoi on l'a invitée à Bruxelles, si c'est pour parler d'uniformisation des chasses d'eau, comme l'a fait le président de la Commission européenne lors de la rencontre. Car ce ne sont pas des petits gestes, ni des petites mesures que réclament les jeunes de Fridays for Future, le mouvement international que Greta Thunberg a inspiré. Non, seul un changement radical de paradigme pourra enrayer le dérèglement climatique, les pénuries d'eau, les déplacements de population, la répétition des catastrophes naturelles, les famines, l'érosion de la biodiversité. C'est ce que les scientifiques eux-mêmes, rappelons-le, répètent au fil des rapports du GIEC. En 2019, 260 d'entre eux publient une lettre ouverte pour soutenir la mobilisation de la jeunesse et appeler à manifester le 15 mars lors de la première grève mondiale pour le climat. Dans 100 villes à travers le monde, à Tokyo, Venise, Los Angeles, Kampala ou encore Mexico, plus d'un million de jeunes et de moins jeunes défilent, dont 40 000 à Paris et 168 000 dans toute la France. En ce jour historique pour la lutte écologiste, Greta Thunberg, elle, a choisi la Belgique. C'est incroyable! Depuis bien trop longtemps, les dirigeants au pouvoir s'en sont tirés sans se préoccuper de la crise climatique. Mais on va veiller à ce que ça ne se reproduise pas. On va les emmerder et continuer de faire la grève jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, Greta Thunberg. Affaires sensibles sur France Inter. Est-ce que le micro est bien branché? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon anglais est correct? Yes. Parce que je commence à me demander. Ces derniers 6 mois, j'ai voyagé en Europe, en train, en bus, en voiture électrique, pendant des centaines d'heures. J'ai répété ces mêmes mots encore et encore, ces mots qui peuvent tout changer, mais rien n'a changé. Le problème de base est le même partout. C'est que rien n'a été fait pour stopper ou même ralentir le désastre écologique et climatique, malgré toutes les belles promesses. C'est aux parlementaires britanniques que Greta Thunberg, 16 ans, s'adresse ainsi en avril 2019. Comme souvent lors de ce genre d'intervention, la militante est chaleureusement applaudie pour son courage. Pourtant, tout le monde n'apprécie pas de se voir sermonner, à Londres comme ailleurs, d'ailleurs. L'Amérique de Donald Trump, notamment, vient régulièrement cracher son venin sur Fox News, malade mentale, gamine dépressive, fanfaronne, bécasse égoïste, mal élevée. Les chroniqueurs américains de cette chaîne de droite s'en donnent à cœur joie. Mais c'est sur Internet, comme d'habitude, avec la lâcheté d'anonymat, que les attaques contre Greta Thunberg sont les plus virulentes. Et qu'il s'agisse d'insultes ou de menaces de mort, la haine franchit parfois les limites du web. Le 7 octobre 2019, en effet, après la venue de la militante à Rome, où elle a rencontré le pape, un mannequin à son effigie est retrouvé pendu sous un pont. En France, l'activiste est assez peu critiqué, jusqu'à ce qu'un collectif de députés l'invite en juillet 2019 à sensibiliser le Palais Bourbon à la question du réchauffement climatique. Immédiatement, plusieurs parlementaires de droite et d'extrême droite, chez l'AREM, les Républicains et au Rassemblement National, vont appeler au boycott de celle que le député des Républicains Julien Aubert appelle la prophétesse en culotte courte. Devant 160 parlementaires de tous bords, à l'exception du RN, Greta Thunberg met les points sur les i. Oui, elle a 16 ans, et alors, c'est pas la question. Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. Certains ont décidé de ne pas nous écouter. Et ce n'est pas grave. Après tout, nous ne sommes que des enfants. Vous ne devez pas nous écouter. Mais en revanche, vous devez écouter la science et les scientifiques. Et c'est tout ce qu'on demande. Unissez-vous derrière la science. Et je crois que le plus grand danger, ce n'est pas notre inaction. Le vrai danger, c'est que les entreprises et les politiciens font comme si les choses se passaient, alors que rien n'est fait à part des ruses de comptabilité et des relations publiques créatives. La députée Emmanuelle Ménard, proche du Rassemblement National, s'agace sur Twitter suite à l'intervention de Greta Thunberg à l'Assemblée. Dommage que la fessée soit interdite, elle en mériterait une bonne, dit-elle. Quant à Michel Onfray, il ignore, voire moque, le syndrome d'Asperger de la militante, en la qualifiant de cyborg sans émotion. À droite et à l'extrême droite, on accuse Greta de tenir des propos catastrophiques sans être une spécialiste du climat. Pourtant, la militante suédoise ne cesse de le répéter. Elle n'est rien d'autre que la messagère des scientifiques, elle est un relais. À ses côtés, à l'Assemblée nationale, il y a d'ailleurs la climatologue Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC, reconnue évidemment comme experte en la matière. Laurent Alexandre, le médiatique fondateur de Doctissimo, réprouve dans Valeurs Actuelles ce qu'il considère comme la réussite marketing de la décennie. Il n'y a pourtant aucune preuve que l'ascension de la jeune militante ait été orchestrée ou marketé par qui que ce soit, et notamment par le lobby du greenwashing, comme on l'a parfois entendu. Ingmar Renshorg, l'entrepreneur suédois qui a été l'un des premiers à relayer la grève scolaire de la jeune fille sur Internet, est un temps soupçonné de l'avoir financée. Il dément. Mais il reconnaît en revanche s'être servi de l'image de la jeune fille pour une levée de fonds au bénéfice de son entreprise, sans son accord et à son insu. Greta Thunberg le répète à l'envi, elle ne reçoit d'argent de personne. Quant aux critiques, elle s'en réjouirait presque, comme elle l'explique sur France Inter. Ce n'est pas quelque chose que j'aime, cette célébrité. Cela, en fait, éloigne et cela nous distrait du sujet qui nous intéresse vraiment. Et quant aux gens qui critiquent, eh bien, moi, j'y vois le signe que nous sommes en train de gagner du terrain et de remporter la partie. Il y a beaucoup de gens qui se sentent menacés, soit par les mouvements climatiques, et ils ont besoin d'avoir recours à la menace, à la haine, à la moquerie, que ce soit physiquement ou sur Internet d'ailleurs, parce que c'est le seul moyen finalement pour eux de trouver un argument. Ils n'en ont pas d'autre hein, d'ailleurs contre nous. Donc moi j'y vois quelque chose de positif. Cela veut dire que nous avons vraiment un impact. En août 2019, Greta Thunberg est invitée à intervenir à l'ONU à New York à l'occasion du sommet des Nations Unies pour le climat. Une tribune de choix que la militante ne saurait manquer, d'autant qu'elle a décidé de prendre une année sabbatique pour mieux se consacrer à son combat. Et c'est en voilier qu'elle traverse l'Atlantique, puisqu'elle ne prend plus l'avion, trop polluant. Le 14 août 2019, elle embarque avec son père et les skippers Boris Herman et Pierre Casiraghi, le fils de la princesse de Monaco, pour une traversée de 2 semaines à bord du Malaysia 2, un bateau monégasque donc, ultra rapide, qui doit participer l'année suivante au Vendée Globe. Et les détracteurs n'attendent pas longtemps pour détracter. On accuse Greta de ruiner le secteur aérien suédois en promouvant le flyscam, ce qu'on appelle la honte de prendre l'avion. On remarque aussi que les skippers rentreront de New York en avion, sans toujours préciser que leurs émissions carbone seront compensées par le financement de projets de réduction de la pollution. On exhume des photos sur les réseaux sociaux. Regardez, notent les internautes. Greta Thunberg prend le bateau, mais elle mange sa salade dans un emballage plastique. Pourtant, en traversant l'Atlantique, la jeune fille ne cherche pas tant à prouver son exemplarité qu'à questionner nos façons de voyager. Le 28 août, après 15 jours d'une traversée éprouvante, le Malaysia 2 arrive à New York devant une foule admirative. Quelques jours plus tard, Greta Thunberg prononce à l'ONU le discours qu'elle a eu le temps de peaufiner lors de son long voyage. Et elle s'adresse aux dirigeants politiques du monde entier. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et vous nous dites, à nous, les jeunes, d'avoir de l'espoir? Comment osez-vous? Et je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de ce conte de fait d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Depuis plus de 30 ans, la science est parfaitement claire. Comment osez-vous encore regarder ailleurs? Vous venez ici pour dire que vous faites assez alors que les politiques sont inexistantes. Le monde se réveille et le changement arrive, que cela vous plaise ou non. Merci. Comment osez-vous? Ce discours à l'ONU fait rapidement le tour de la planète. Il y a ceux qui soulignent la puissance de la colère de Greta Thunberg et ceux qui la réprouvent ou qui la détournent à la sauce internet plus ou moins moqueuse. Quant à l'impact réel de ces mots sur celles et ceux qui les écoutent, citoyens et dirigeants, il est impossible à mesurer. Greta Thunberg fait-elle ou non avancer la cause du climat? Une chose est sûre, en un an à peine, elle a placé ce sujet sur le devant de la scène. En 2019, le magazine Time lui décerne le titre de personnalité de l'année, tandis que Forbes la classe parmi les 100 femmes les plus influentes du monde. Une reconnaissance que le président Donald Trump qualifie aussitôt sur Twitter de ridicule. Greta doit apprendre à gérer sa colère. « Détends-toi, Greta », écrit celui qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat en 2017. Après New York, Greta Thunberg multiplie les interventions en faveur de la réduction des émissions carbone à Lisbonne, Madrid, Davos. En mars 2020, alors qu'elle vient de participer à des manifestations de rue à Bristol, le Covid vient freiner son combat. Fini les sommets, les COP, les discours et les conférences, c'est de chez elle et sur YouTube que Greta parle désormais, comme ici en 2020. La science montre que 75% des maladies qui apparaissent aujourd'hui proviennent des animaux. En détruisant les forêts et donc leur habitat, on crée les conditions idéales à leur propagation d'un animal à l'autre, puis vers nous. Il n'est plus possible de séparer la crise sanitaire de la crise écologique et la crise écologique de la crise du climat. Tout est lié de bien des façons. Pendant cette pandémie, on a vu ce qu'on pouvait accomplir quand on donne à la science les ressources dont elle a besoin. Les vaccins ont été développés en des temps records. Comme pour la crise climatique, ceux qui sont les plus vulnérables doivent être prioritaires. Et pour les problèmes globaux, il faut des solutions globales. Alors que le monde se replie sur lui-même pendant la pandémie, la militante s'ouvre à d'autres engagements et d'autres modes d'action. Elle s'exprime en faveur d'une juste répartition des vaccins dans le monde, par exemple. Elle s'occupe de sa fondation qui finance des initiatives en faveur de la durabilité écologique et sociale, mais aussi de la santé mentale. Elle s'intéresse à des questions comme la colonisation, le racisme ou l'oppression sexiste. En 2022, alors que la vie reprend doucement son cours, Greta annonce qu'elle sera absente de la COP27 qui doit s'ouvrir le 6 novembre de cette année-là en Égypte. Les COP ne sont que des opérations de com', explique-t-elle, alors qu'elle lance officiellement son grand livre du climat, un recueil de textes écrits par des scientifiques, des économistes et des historiens. Et pourtant, elle garde le moral, comme elle l'explique à la Terre au Carré sur France Inter le 24 octobre 2022. Of course, I mean... Oui, j'ai toujours le moral. Je ne sais pas si j'ai le moral ou pas. Je dirais surtout que je suis réaliste. Ni optimiste, ni pessimiste. C'est-à-dire qu'il y a encore une marge, une possibilité pour nous d'agir. La communauté scientifique le dit aussi. On peut encore agir pour limiter. Le grand problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique. Et c'est un peu c'est la faute de l'autre, systématiquement. Ça ne nous mène nulle part. We can change what is considered to be politically possible. We can change. Mais on peut changer nos comportements. On peut changer les normes sociales, et ça, pour moi, ça me donne le moral, oui. Manipulée, illégitime, ignorante, radicale, catastrophiste, moraliste ou inspirante, informée, éclaireuse, courageuse, libre et engagée. Plus de 4 ans après sa première grève pour le climat, Greta Thunberg divise. Et à 20 ans, elle poursuit son combat. Tous les vendredis, ils sont quelques-uns à faire la grève avec elle devant le Parlement suédois à Stockholm. Le mouvement qu'elle a inspiré n'a pas changé le monde, certes, mais il a changé les gens, beaucoup de gens, de sa génération et au-delà. Greta Thunberg a participé à médiatiser l'urgence climatique et à diffuser ce que des scientifiques, des associations, des activistes disent depuis longtemps avant elle. La nécessité, mais surtout la possibilité d'agir individuellement, collectivement et surtout maintenant. J'ai marché dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois. Avant les heures. en entier pour une fois. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Greta Thunberg, dont nous parlons avec deux invités. Yamina Saeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en énergétique, économiste et enseignante à Sciences Po Paris. Vous avez participé à la rédaction du 6e rapport du GIEC sur le réchauffement climatique. Je rappelle que le GIEC, c'est vraiment notre balise officielle, hein, cet aréopage important mondial qui étudie le climat et qui donne les éléments scientifiques qui prouvent qu'il faut absolument combattre ce réchauffement climatique. Alizée Le Fur, bonjour. Bonjour. En studio avec nous, vous êtes militante écologiste, selon vos mots, citoyenne ordinaire, engagée chez Dernière Rénovation. Un mot de Dernière Rénovation? Ouais, Dernière Rénovation, c'est une campagne de résistance civile qui a pour en fait but de faire passer une demande assez consensuelle sur la rénovation énergétique. Est-ce que pour vous deux, on va commencer avec vous, Alizée, Greta Thunberg est un modèle, une balise, une icône? Que représente-t-elle pour vous et votre combat? Ça l'a été, ça a fait partie de pas mal de mes balises, je pense. Je ne m'en étais pas trop rendu compte, mais ça l'a été. Moi, j'ai 4 ans de plus qu'elle. Mmh. Donc, au moment où elle a arrêté ses études, moi, j'étais en licence et je me demandais si je faisais un master ou pas. Ça a quand même pas mal été Enfin, ça m'a permis de vraiment réaliser, en fait, qu'est-ce que je faisais dans ce monde et où est-ce que j'allais, en fait, avec des études qui me mèneront. Ou ça, en fait, si on se pas forcément nulle part, mais pas forcément nulle part, mais ça m'a permis de vraiment me questionner, en fait. Et donc ça a été une première balise. Yamina Saeb, quel regard portez-vous sur l'action de Greta, sachant que elle est une porte-parole active et efficace de ce que dit le GIEC? Alors, Greta Thunberg a montré que chaque individu peut agir à son niveau, même si on pense souvent que tout seul, on ne représente pas beaucoup, etc. Mais elle avait eu l'idée de cette grève-là, et puis elle a lancé le mouvement Fridays for Future, qui n'a certes pas changé le monde, je dirais pas encore changé le monde, mais qui nous a tous changé un peu, d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, dans le rapport du GIEC, moi je travaille sur la partie réduction des émissions, c'est le volet 3 du travail du GIEC, on parle de l'émergence de nouveaux acteurs indépendants, un peu des électrons libres sur le modèle de Greta, et on voit dans des batailles qui sont moins connues, des acteurs moins médiatisés que Greta, on voit déjà au niveau local, au niveau régional, l'émergence de ces acteurs-là qui nous permettent de gagner des batailles pour le climat. Un exemple tout récent, vous avez peut-être entendu parler du traité sur la charte de l'énergie dont la France vient de se retirer. C'est un traité qui protège les investissements étrangers dans le secteur de l'énergie et donc dans les énergies fossiles également, par le biais en permettant l'arbitrage privé. Ce combat-là, la décision de la France et la décision de 7 autres pays de l'Union européenne de se retirer de ce traité-là, on la doit à des acteurs, des individus en vérité, qui ont agi séparément, et à un moment donné, il y a eu une convergence, et c'est ça qui a fait prendre cette décision-là. Allez-y, Lofir, pardon, je reviens vers vous ensuite, mais je vais vous poser la même question à toutes les deux. Dans le récit, il y a une phrase qui me paraît vraiment très très importante de la part de Greta Thunberg. Elle dit « Ce ne seront pas les jeunes qui sauveront la planète parce qu'il n'y a plus le temps d'attendre que nous soyons aux commandes ». Comment vous recevez cette phrase ? Je l'entends et je pense que oui, les jeunes en fait sont les premières personnes qui vont créer ce changement, mais qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et donc du coup, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. On va avoir besoin de tout le monde aussi pour changer les choses. On parlait de est-ce qu'elle est adulte ou pas. Est-ce que justement elle n'est pas plus adulte que les autres? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes en fait qui sont des adultes qui prennent leurs responsabilités en main et que des adultes ne le prennent pas aujourd'hui. Donc, vous trouvez que les autres générations qui n'appartiennent pas à la vôtre, donc les plus vieux que vous et les plus vieilles que vous, ne sont pas assez actifs? Est-ce que vous leur en voulez? Est-ce qu'il y a une colère intergénérationnel. Non, pour moi, c'est plus les personnes qui sont au pouvoir, qui justement ont les manettes en main. C'est à eux de c'est à eux de pousser pour cette pour tout ce changement qu'on doit faire. Mais Greta elle a aussi dit qu'il n'y avait pas, il n'y avait plus de volonté politique. Donc c'est à nous, je pense, jeunes, mais aussi intergénérationnels, de pousser ces manettes en poussant cette volonté politique. Yamina Saeb, même analyse. Alors, en fait, les discours... Greta est d'une maturité politique incroyable. Ah oui, on l'entend à travers ses discours, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable, sa maturité politique. Après, dans cette phrase-là, il est vrai que le budget carbone qui nous reste est très limité et on est en train de le bouffer à une vitesse incroyable. Et c'est pour moi, c'est mon interprétation de quand elle dit il n'y a plus le temps, il faut agir maintenant, il faut absolument réduire nos émissions dans cette décennie-là. Et il se trouve que les politiques que l'on a mis en œuvre jusqu'à présent et notre façon de concevoir la lutte contre le changement climatique va dans l'autre sens. Vous savez, lorsqu'on regarde justement, on montre ça dans le rapport du GIEC, lorsqu'on regarde le nombre, le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre qui sont couvertes par une loi climat, réduction des émissions, peu importe comment cette loi est rédigée, ambitieuse, pas ambitieuse, etc. Et on voit qu'entre 2010 et 2020, le nombre, la part des émissions mondiales qui sont couvertes par une loi climat est passée de 20% à plus de 50%. Donc ça a plus que doublé. Donc lorsque vous regardez cette image-là, vous allez vous dire ah ben c'est parfait, c'est génial. Mais après, il faut regarder une autre image, il faut faire une autre analyse et vous regardez que les émissions pendant cette période-là ont augmenté de 1,5% par an. Et donc tout ce qu'on a fait, donc à quoi ça sert d'avoir des lois climat si en parallèle on n'arrive pas à baisser nos émissions. Mais en vérité, c'est que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent n'a pas contribué à baisser les émissions et il faut un changement radical, une métamorphose de la façon dont on fait des politiques climat, une métamorphose de nos sociétés pour justement baisser nos émissions et on doit obligatoirement les baisser pendant cette décennie-là. Ben oui, parce que à force de dire il faut le faire maintenant et si on le fait pas maintenant quand on sait que le premier pays du monde le plus puissant ne suit pas le mouvement, c'est-à-dire les États-Unis, il va arriver un moment on pourra peut-être dire qu'il faut faire maintenant, ça sera trop tard. Ce qui va se produire, c'est que on voit déjà les impacts du changement climatique. Ces impacts-là vont s'accentuer dans le temps et ça va aller très vite et ils vont durer plus longtemps. Et il y aura des endroits sur la planète qui ne vont plus être habitables. Donc on va voir un effet cascade de ces impacts-là. Et c'est pour ça que encore une fois, le discours qui dit qu'il faut agir maintenant et qu'il faut surtout agir bien, c'est pas juste d'agir, c'est pas juste de montrer qu'on agit. Si par exemple on prend la loi résilience climat, c'est une loi on a l'impression tout le monde et tous ceux qui ont contribué à cette loi-là sont très fiers, mais en fait c'est une loi qui nous enferme dans le carbone. Vous voyez, donc il suffit pas de mettre en place une loi résilience climat, il faut mettre la bonne loi résilience climat pour éviter de nous enfermer dans le carbone. Et par ailleurs, Greta Thunberg dit une chose, elle n'est pas la seule à le dire, mais très importante, c'est la connexion de l'aggravation de l'état du climat et des crises sanitaires. Ça, bon sens, quand même, on a tous souffert. Alors, certains n'ont plus souffert que d'autres, il y a eu des morts, il y a eu des drames. Et puis pour ceux qui n'ont pas été touchés par des drames sanitaires, il y a eu une vie complètement perturbée, enfin qui était horrible. Donc là, pourtant, on devrait comprendre qu'on est dans le début de la cata. Oui. En fait, il y a une chose que les scientifiques et les personnes qui travaillent, les activistes également, qui travaillent sur la question climat. Je pourrais vous expliquer la question climat en vous parlant des ppm, des gigatonnes de CO2 équivalent. Vous n'avez rien, vous n'allez rien comprendre. On va perdre l'audience. Personne ne va rien comprendre. Donc, il y a une chose que l'on doit faire absolument, c'est ramener la question climat dans les quartiers, dans ce que le citoyen comprend. Ce qui touche le citoyen dans sa vie quotidienne. Et la question de la santé est une question qui nous touche tous. Et on a vu, par exemple, quand il y a eu la vague de chaleur cet été, on a eu en France un nombre de morts équivalent, un excès de morts équivalent cet été à celui qu'on avait eu en 2003. Sauf qu'en 2003, ben, on pouvait dire on ne savait pas, c'était nouveau, c'était la surprise. On pouvait dire, qui aurait pu dire, qui aurait pu prédire, c'était la surprise. Mais en 2022, on ne peut plus dire ça. On n'a plus le droit de dire ça parce qu'on sait. Mais qu'avons-nous fait

faire plein de choses à mettre en place avant que ce soit trop tard. Et donc du coup, c'était ça l'intention. Quand il y a des actions citoyennes, c'est en principe en complément de l'action des politiques, ou justement parce que les politiques n'agissent pas. Est-ce que ça vous désespère de voir que la représentation politique de l'idée écologique, autrement dit les Verts, ne perce pas? Au niveau national, en tout cas, ils percent au niveau local, y compris dans des grandes villes, c'est un progrès pour eux, mais pas au niveau national. Et vous savez qu'on est un pays quand même très centralisé. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à Paris et pour toute la France. Ça vous désespère ou pas? Je pense que le fait qu'il reste une petite fenêtre dont je parlais, je pense que c'est pas juste les Verts, c'est pas juste les politiques, c'est tout le monde. C'est la responsabilité. Ouais, si les politiques donnent pas le là, ça devient difficile. Mais que aujourd'hui c'est trop tard. Ça fait 30 ans qu'on demande en fait aux politiques de faire quelque chose et que du coup, enfin, ils vont pas le faire en fait. Et je pense que si on attend encore, ce sera trop tard. Donc maintenant, c'est pas se dire les Verts ou pas, c'est juste que ça ne va pas passer. On a regardé, il y avait un amendement qui est passé à l'Assemblée nationale par rapport à la rénovation énergétique. Donc cette mesure était consensuelle et a voulu passer, mais le gouvernement a dit non, en fait, on a mis un 49-3 et ne l'a pas fait passer. Donc on voit que même au sein du pouvoir, en fait, il y a des choses qui ne passent pas et il faut qu'en fait les citoyens soient là pour faire pousser tout ça. Se mobilise et fasse des actions. Les réactions sont parfois dures, jusqu'à un mot inventé, un néologisme, éco-terrorisme. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Je pense que ça fait un peu écho justement à ce que disait Greta. Je pense que si ça fait réagir des gens, c'est peut-être que c'est bien, c'est un début pour que les gens arrivent justement à se rendre compte de pourquoi en fait on nous traite d'éco-terroristes et pourquoi on arrive à sauter sur le terrain de Roland-Garros. Qu'en pensez-vous, Yamina Saeb, cette mobilisation citoyenne plus ou moins bien ressentie? Moi, je pense que jusqu'à présent, toutes les actions menées, en particulier par les jeunes, ne sont pas des actions violentes. Ce sont des actions pour réveiller les politiques. Et on en aura de plus en plus parce que justement, les politiques ne font pas ce qu'il faut. Et après, utiliser le terme éco-terroriste ou éco-terrorisme, je pense que ça n'aurait jamais. Je pense que c'est une erreur politique d'avoir utilisé ce terme-là. Et la personne qui l'a utilisé sera certainement dans le mauvais chapitre de l'histoire. Et il faut faire confiance à cette jeunesse et on a besoin de tous les acteurs pour justement faire cette métamorphose de nos sociétés et de nos économies. Et du coup, les jeunes ont leur place, ils le font à leur façon et jusqu'à présent, ils ne sont pas violents, ils sont respectueux des infrastructures, des personnes, etc. Et ça va continuer tant qu'on n'a pas les bonnes politiques. Pardon. Oui. Les micro-particules, peut-être. Oui. Vous avez, je le rappelle, coécrit le 6e rapport du GIEC, et puis vous avez obtenu que la notion de sobriété apparaisse dans ce qu'on appelle le résumé à l'intention des décideurs. Alors, ça veut dire quoi, sobriété? Moi, j'ai l'impression que ça renvoie à la responsabilité individuelle de chaque personne sur cette terre. Déjà, la sobriété, je pense qu'il n'y a rien de plus collectif que ça, mais au-delà, c'est quoi ce... Alors, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la sobriété. Bon. Donc, la sobriété, ce sont toutes les politiques publiques. Oui, c'est vraiment une. Non, vous avez raison de dire. Et qui a été très, très mal. C'est ça que le gouvernement a utilisé, malheureusement. Donc, ce sont toutes les politiques publiques et les pratiques du quotidien. Donc, on parle pas de changement de comportement, mais de pratiques du quotidien. Mais très important, c'est l'ordre dans lequel on a mis ces deux expressions. Des politiques publiques d'abord, pour justement créer les pratiques ou enclencher les pratiques du quotidien qui évitent en amont la demande de toutes les ressources naturelles, pas seulement l'énergie. En France, on parle que de sobriété énergétique, mais la sobriété, elle n'est pas que énergétique. Et tout en garantissant le bien-être de tous. Donc, il y a une question de justice derrière. C'est pas juste quelque chose pour les riches ou pour ceux qui peuvent se le permettre. Et dans le respect des limites planétaires. Donc, dans le respect des limites planétaires, on aurait le respect, justement, du budget carbone dont parlait Alizée, etc. Et à ce moment-là, on mettrait, si à chaque fois qu'on mettait en place une politique publique, on se posait ces questions-là, eh bien, il y a beaucoup de politiques, toutes tout ce qu'on considère aujourd'hui comme étant des politiques climatiques n'existerait pas sous cette forme-là. Mmh. Et c'est vraiment très important de comprendre que ce n'est pas du tout individuel, c'est vraiment un changement sociétal. C'est toute la société. Malheureusement, la France, qui est le seul pays qui parle de sobriété, mais parlant uniquement de sobriété énergétique, malheureusement, le gouvernement a compris que la sobriété, ben, c'est la responsabilité de chacun, a mis la charge de cette transformation sur les individus, les épaules des individus, alors que c'est un changement sociétal. Bien, Alizée Le Fur, vous vouliez ajouter quelque chose, il reste quelques secondes. Oui, c'était juste par rapport à ce mouvement de jeunes, dernière rénovation, ça englobe bien plus que juste des jeunes, il y a des parents, il y a des grands-parents. D'accord. Et l'importance aussi de ce que je voulais dire, c'était qu'aujourd'hui, il faut rejoindre les rangs de la résistance civile si on veut faire quelque chose, et c'est pas juste aller s'asseoir sur la route et faire des actions, c'est aussi en fait participer à l'organisation des actions, mais ça peut aussi passer par des dons, ça peut passer par plein de façons en fait de s'engager pour faire de la résistance civile. Très bien, merci infiniment. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Greta Thunberg. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, l'avait Clément Vuillet.